Merci Pascal. C'est vrai que je pense que cette situation se développe dans les équipes, en tout cas en sciences sociales, beaucoup de gens qui répondent à des contrats aussi avant tout pour trouver des contrats, des emplois pour leurs collègues sur statut. Suivant les situations, on va avoir des pratiques d'encadrement par celui qui gère le contrat qui vont être très différentes, avec des publications des offres d'emploi, un travail très dirigé ou un travail beaucoup plus souple, et une association à la valorisation en termes de publication très différente. Je pense que Eric va parler de... Tu as participé à un contrat de recherche collective, peut-être un fonctionnement un peu différent.